Bonjour les voyageurs, bienvenue à Kyoto. Ici le climat est subtropical humide avec quatre saisons bien marquées. Au printemps, il fait doux, entre 10 et 22 degrés, et les cerisiers sont en fleur, un vrai spectacle. En été, il fait chaud et humide, environ 25 à 35 degrés, souvent avec des pluies abondantes. En automne, les températures sont agréables, entre 15 et 25 degrés, parfait pour admirer les arbres rouges. En hiver, il fait froid, entre 0 et 10 degrés, mais le ciel est souvent clair. N'oubliez pas votre parapluie en été et maintenez chaud en hiver. Bon voyage!